j'ai ce soir à te conter toutes ces histoires. Impossible à garder, caché dans le gouffre de mes pensées. Et aujourd'hui je t'emmènerai avec moi, même si tu ne veux pas le croire, dans ce rêve insensé qui te fera oublier. Te dire comment s'appelle ce que je ressens à l'instant où je fais encore partie de ta vie. Et à présent ce ne serait vraiment que pur sacrilège de vouloir désormais briser tous ces rêves. Par tous ces murs que je vais détruire.